plus l'homme se conscientise, plus il doit prendre le contrôle de sa parole. Car la parole consciente est vibratoire et agit sur l'ego comme une pression. Si la pression n'est pas contrôlée, la parole peut devenir très pénible, autant dans l'expression que dans la réception, car elle devient de plus en plus désengagée des mécanismes conditionnés de l'ego qui la retiennent naturellement. La parole consciente fait partie du pouvoir du double sur l'ego. Et plus ce dernier se conscientise, moins la parole peut être retenue. Son passage doit être contrôlé par l'ego, car il sert à créer des chocs dans le monde de l'homme, et si le nouvel initié ne prend pas conscience de ceci, la parole deviendra pour lui et ceux qui l'entourent une source de souffrance et d'énergie qui transforme les corps subtils. Pour que la parole passe, se canalise sans contrôle de la part de l'ego, il faut que ce dernier soit suffisamment fusionné pour réaliser que sa parole est parfaitement ajustée. Le contrôle de la parole par l'ego devient une nécessité de plus en plus grande lorsqu'il commence à s'apercevoir qu'elle lui laisse connaître des choses ou qu'elle lui fait dire des choses qui ne devraient pas être dites. La parole qui n'est pas contrôlée peut facilement créer une atmosphère très tendue entre les hommes, car elle n'est plus colorée ou retenue comme par le passé. Elle est de plus en plus libre, donc de plus en plus effective, et son efficacité doit être de plus en plus intelligente, sinon son efficacité trouble les terres entre les hommes et engendre de la souffrance. Le nouvel initié doit apprendre à se servir de sa parole, afin qu'elle ne se serve pas de lui. Et plus il y a d'émotion dans le tempérament de l'homme, plus il est sujet à être utilisé par la parole, car cette dernière n'est plus de lui, mais de l'être cosmique en lui, qui veut la faire passer pour son propre besoin. Mais les besoins de l'homme et de l'être cosmique doivent être unifiés, sinon c'est l'ego qui souffre de la parole conscientisée. La conscientisation de la parole est un phénomène nouveau sur la Terre et l'homme n'a pas encore l'expérience de sa parole. Il est au début de son expérience et il doit en découvrir les aspects. La parole consciente domine l'ego à travers lequel elle passe, car elle est de moins en moins planétaire, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins régie par l'astral. Mais elle peut tout de même être colorée par l'astral, tant que la conscience n'est pas totalement objective et créative. La pression qu'exercera la parole consciente a un but précis, celui de forcer l'ego à en absorber tous les chocs qu'elle crée, afin que le centre émotif et mental de l'homme devienne de plus en plus réceptif à l'énergie du double. Mais l'homme, lui, doit comprendre que cette pression de la parole agit contre lui, bien qu'elle agisse pour lui, c'est-à-dire pour sa fusion. Elle agit contre lui lorsqu'il ne reconnaît pas la nécessité de ne pas être utilisé par le double. S'il réalise ceci, il ne souffrira pas par sa parole, mais utilisera cette dernière selon les conditions et les nécessités. Alors seulement pourra-t-il bénéficier d'elle en tant qu'instrument ou outil créatif de grande puissance. L'ego inconscient perd énormément d'énergie par la parole, car Il jase, donc n'apprend rien qui vaille la peine. L'être conscient, par contre, commence à apprendre des choses qui vaillent la peine, mais il ne réalise pas que l'intérêt de sa parole est encore lié avec son corps de désir, de sorte que sa parole est mi-consciente, mi-inconsciente à la fois. Tant que l'ego n'a pas pris conscience de la pression de la parole, il ne peut comprendre que cette pression fait partie de l'ajustement de son corps émotionnel. S'il y a émotion, la parole augmentera sa pression, car l'émotion tend à augmenter la souffrance contenue dans la parole. Il y a une subtile souffrance dans la parole consciente, car elle n'est pas encore pure. Et si elle n'est pas pure, il y a de la mémoire dedans, et c'est la mémoire dans la parole qui donne la souffrance à l'ego lorsqu'il la parle. Mais pour être conscient de la souffrance dans la parole, il faut être suffisamment conscient pour voir le pouvoir du double dans la vie de l'homme. Lorsque la souffrance n'est plus dans la parole, l'homme aime parler, mais ne cherche plus à parler. Car la souffrance dans la parole a tué l'émotion dans l'intelligence de l'ego. La pression de la parole force l'ego à canaliser une certaine énergie qui crée un choc lorsqu'elle est reçue, et cette énergie force l'ego qui parle et celui qui entend à supporter objectivement l'énergie afin de neutraliser l'émotion dans l'intelligence qui est la cause principale pour laquelle l'homme n'est pas dans son intelligence créative. L'ego ne peut considérer la pression de la parole comme venant de lui, mais doit considérer qu'elle existe à cause de l'incapacité de son corps émotionnel et mental de la retenir. Si l'ego pouvait contrôler la pression de la parole, cette dernière serait un outil de travail sur le plan matériel et lui servirait à contrôler les événements extérieurs de sa vie. La pression dans la parole consciente est un fait nouveau chez le nouvel initié. Elle engendre sur la terre la présence du double. Elle crée sur le plan matériel une condition nouvelle dans les relations humaines, car l'homme n'est pas habitué à être bombardé par la parole. Alors, si l'homme conscient prend connaissance de sa parole et l'autre la reçoit, il devient de plus en plus évident que la parole sert à créer entre les deux égaux conscients un lien particulier à cause de son magnétisme. Mais le magnétisme de la parole consciente augmente avec le temps et crée de plus en plus de tensions entre ceux qui parlent consciemment. C'est ici que la pression de la parole devient de plus en plus forte et peut devenir une sorte de souffrance, car l'ego peut se trouver dans une situation où il lui semble qu'il n'est pas capable de se soustraire de cette pression, qui le fait de plus en plus parler et perdre de l'énergie. Ici, le problème est subtil, car l'ego doit en arriver à ne pas perdre de l'énergie par la parole, et en même temps, il en perd à cause de la pression qu'elle exerce contre lui. C'est ici que le contrôle est important, mais il ne peut accéder à ce contrôle qu'avec le temps, lorsqu'il a appris à ne pas vouloir souffrir de la pression. La pression de la parole crée une tension vibratoire dans l'ego et le force à s'ajuster à l'énergie qui se réfléchit, et c'est un des aspects importants de cette pression. C'est par cette pression que la conscience de l'homme nouveau s'occultifie, c'est-à-dire qu'elle s'élève au-dessus au-delà de la conscience subjective de l'ego. Tant que la pression dure, elle force l'ego à se déplacer, à se recentrer d'une autre façon. Elle le rend conscient de la nécessité de pouvoir supporter son poids sans en souffrir subjectivement. La pression de la parole grandit avec la sensibilité de l'ego et elle devient de plus en plus permanente. Dès que l'ego prend conscience de cette pression, il commence à s'ajuster à elle. Il peut voir comment travaille la parole. Si l'ego n'était pas conscient de la pression, il croirait encore que la parole vient de lui, et le double doit détruire cette illusion, car il y va de la conscientisation de l'homme. La pression de la parole caractérise la relation entre le double et l'ego. Et de même que le double crée de la pression à travers les événements de la vie, de la même façon, il crée la pression à travers la parole pour forcer l'ego à ne pas succomber sous le poids psychologique qu'elle crée, lorsqu'elle le force à utiliser des concepts ou des idées qui ne conviennent pas à la psychologie de l'être inconscient. La pression psychologique que crée la parole engendre suffisamment d'énergie dans le mental pour élever sa vibration et forcer l'ego à s'ajuster à une conscience nouvelle. Tant que la pression dure, l'ego vibre et se transforme. Le double se sert de la pression pour créer dans l'homme une nouvelle résonance, afin de s'habituer à sa conscience mentale supérieure. La conscience supramentale se développe sous pression. Elle s'ajuste sous pression, car elle ne peut avoir le rythme, la même dynamique et la même créativité que l'inconscience ou la conscience planétaire de l'homme. Pour que l'ego puisse canaliser l'énergie de l'intelligence, il lui faut être capable de supporter cette nouvelle résonance. Et c'est ainsi que la pression de la parole permet de concrétiser dans le mental humain ce qui demeurait très abstrait pour l'être inconscient. Afin que l'ego puisse absorber le caractère abstrait et futuriste de la prochaine évolution, il faut que l'homme ait été forcé par la pression de la parole à accepter des données qu'il tend naturellement à ne pas vouloir incorporer dans sa conscience. La pression de la parole agit un peu comme l'eau qui crée un lit dans la rivière. Plus la pression de l'eau est grande, plus le lit est profond. Et c'est la profondeur du lit qui permet de donner à la rivière, à la conscience, sa permanence. L'ego, de par nature, est difficile à changer, car il se cache derrière des voiles, il est fait de voiles dans sa conscience subjective. Lorsqu'il sent la pression de sa parole ou celle des autres, il est forcé de prendre conscience de quelque chose de neuf, même s'il ne le veut pas, même s'il cherche à la refouler. Et le double maintiendra la pression de la parole tant que l'obstacle ne sera pas éliminé de la conscience égoïque. La pression de la parole détermine la résistance de l'ego au voile de sa conscience, car elle le force à voir autrement, et s'il ne peut voir autrement, la pression retournera d'une façon ou d'une autre pour le traverser et le faire vibrer à la résonance qu'elle veut établir en lui. L'ego est tellement dense qu'il ne peut s'apercevoir de sa résistance à la parole. Il ne peut s'apercevoir de sa résistance à l'énergie du double. Et cette résistance, si elle est trop grande, empêchera l'ego de se conscientiser, car elle empêchera que s'imprime en lui l'énergie créative issue de la parole consciente en état de pression. Parler de pression de la parole est une façon nouvelle d'expliquer le pouvoir du double à travers l'ego. Tant que l'ego demeure fixé sur sa mémoire, il se nourrit d'émotions et de pensées subjectives, donc il ne peut se conscientiser. Dès qu'il sort de sa mémoire, il est forcé de vivre, de sentir la pression de la parole, qui charrie de plus en plus de matériel dans sa direction, afin de le forcer à pouvoir accepter ce qu'il ne veut pas inconsciemment. La pression de la parole fait partie de l'envoûtement vibratoire du double, c'est-à-dire du pouvoir du double sur la conscience de l'ego non ajusté. Cette situation dure tant que l'ego n'a pas appris que le rapport entre lui et le double est un jeu d'esprit destiné à rendre l'ego parfaitement transparent à son énergie. L'ego naïf croit que la parole consciente est une parole rigoureusement exacte dans la vérité. Ceci est une très grande illusion de l'ego, qui devra être dépassée au cours de la nouvelle évolution. La parole est un champ de force créatif qui prend, ou plutôt permet au double, d'ajuster l'ego à sa présence créative dans l'homme. La pression de la parole sert à rendre l'ego conscient de ceci, afin qu'il apprenne à ne pas prendre la parole à 100%, mais à la prendre comme une énergie créative qui poursuit son but pour le bénéfice de l'ego, lorsque ce dernier est suffisamment conscient pour ne pas être égocentrique vis-à-vis la parole. La pression de la parole est caractéristique du travail que fait le double contre l'ego, contre son égocentricité. L'égocentricité de l'homme l'empêche de pénétrer à l'intérieur de lui-même, car elle voile la démarche du double. Et cette démarche ne peut être conforme au désir de l'ego, puisque ce désir ne convient pas toujours au plan de vie créé par le double. C'est le double dans l'homme qui est l'ultime source de son intelligence. C'est lui qui a toujours raison. C'est à l'ego de le réaliser, sinon il ne peut être conscient, supramental et créateur dans sa vie matérielle. La pression de la parole ne convient pas à l'ego, car l'ego n'est pas sûr de lui-même. Et comme il n'est pas sûr de lui-même, la pression l'aide à développer cette sécurité, cette certitude, qui relève de sa capacité d'enregistrer, sans vibrer subjectivement, l'énergie du double. Tant que la parole n'est pas ajustée dans l'homme, sa conscience n'est pas sécure, donc il ne peut bénéficier à 100% de sa conscience créative, car il y aura toujours un peu de subjectivité. La pression change tellement le rapport entre le double et l'ego que ce dernier n'a pas de choix que de développer avec le temps cette sécurité mentale et émotive qui fera partie de son bien-être psychologique. Le bien-être psychologique de l'homme dépend toujours du calme qui existe dans son esprit. Mais ce calme doit être créé sous pression, car l'ego vibre constamment, et tant qu'il ne peut être neutre sous le poids de la parole, de la pression, il ne peut connaître le calme réel du nouvel initié. La pression est un phénomène occulte, dans ce sens que l'ego qui connaît cette pression prend conscience de la réalité à travers la conscience matérielle de l'être, rendue dans la matière pour son perfectionnement. Et tant que l'être n'est pas suffisamment conscient, il ne peut réaliser jusqu'à quel point l'éther est près de la matière. Il ne peut réaliser que tout le réseau énergétique de sa réalité devient de plus en plus contrôlé par le double. C'est pourquoi la pression de la parole dans l'ego engendre une sorte de souffrance qui représente le rapprochement vibratoire du double avec lui. L'être conscient prend possession de lui-même, c'est-à-dire prend possession de ses facultés créatives, lorsqu'il a été habitué, ajusté à la pression de la parole qui conduit, qui pousse à travers l'ego l'énergie dont il a de besoin pour sentir vibratoirement la présence intelligente du double. L'ego, idéalement parlant, ne doit pas être présent, c'est-à-dire réflectif, lorsque le double agit à travers lui. La pression de la parole prépare ce terrain, afin que l'ego puisse, un jour, dans un avenir rapproché, utiliser son énergie créative pour son bénéfice personnel et le bénéfice de l'évolution de la race. La pression de la parole, tant que l'ego n'est pas ajusté à elle, permet que l'être soit réceptif à certaines vibrations qui relèvent du pouvoir et de la présence du double à travers l'ego. Ces vibrations ou ces énergies créatives sont d'un nouvel ordre, donc elles créent une nouvelle psychologie et l'ego doit s'habituer à cette nouvelle psychologie. Car elle est l'infrastructure occulte de la race racine. Et cette infrastructure ne peut être créée sans que la pression fasse son travail contre la résistance naturelle de l'ego à une forme qui n'est pas sous son contrôle. La pression de la parole est créée par l'augmentation du pouvoir vibratoire du double lorsqu'il veut que l'ego s'ajuste émotivement et mentalement à une catégorie supérieure de l'énergie créative. Tant que l'ego vibre naturellement, c'est-à-dire en fonction de sa psychologie conditionnée, il ne peut prendre conscience de sa résistance. Dès qu'il prend conscience d'elle, il s'aperçoit qu'il n'est pas aussi solide qu'il voudrait se l'imaginer. Il s'aperçoit que la pression peut le soumettre à une énergie qui semble pénétrer un peu partout en lui, à travers les moindres failles, dans la surface opaque de sa conscience subjective en évolution. La pression, si elle est grande, peut troubler l'ego, car elle crée en lui le doute et il doit être capable de la supporter et ne pas douter de lui-même. Le double connaît parfaitement l'ego, et lorsque l'ego peut subir la pression et ne pas vibrer subjectivement, il se connaît, car il ne doute pas de lui-même, puisqu'il ne vibre plus à la forme qui sert à le faire vibrer pour l'amener à un état de conscience supramentale, supra-émotive. Cette supraconscience est plus grande que la conscience, car elle est plus parfaite, elle est plus ajustée à une réalité qui n'est plus du domaine de l'ego, mais du domaine du double à travers lui. La pression de la parole confond l'ego, car elle le pousse contre le mur de sa propre crédibilité. Elle le pousse au-delà de lui-même pour l'amener à se réaliser non plus en fonction de la forme de la parole, mais en fonction du jeu de l'esprit à travers la parole, jeu qui contient tous les aspects de l'avenir du plan de vie créatif de l'ego. C'est le jeu de l'esprit à travers l'ego qui crée la pression dans la parole, car derrière la pression, il y a toujours une intention voilée du double que l'ego doit voir clairement. C'est ça l'intelligence pure. C'est ça l'intelligence créative qui déplace sur le plan matériel les obstacles psychologiques de l'ego pour les remplacer par une voie simple et sans frontières. L'ego n'est pas habitué à vibrer de l'intelligence créative. Il est habitué et conditionné à penser subjectivement, et sa subjectivité est tellement grande que seule une pression hardie de la part du double, tant sur le plan de la parole que sur le plan de l'événement, peut l'ouvrir à une réalité plus grande et plus vaste que celle à laquelle il fut habitué à vivre et conditionné à expérimenter. La pression de la parole, lorsqu'elle se fait sentir par un être supraconscient, crée chez un être moins élevé en conscience une résonance qui alourdit la conscience et qui fatigue l'ego à moins que ce dernier puisse la supporter. S'il la supporte, alors elle élève ses vibrations et le rend plus mental, car l'énergie ne colle plus à la paroi subjective de la conscience égoïque. Elle va directement à ses centres, et de ses centres, elle résonne et élève la vibration des corps subtils rattachés au centre. L'homme doit reconnaître que ses centres d'énergie sont éveillés par le choc et le maintien de la pression de la parole. Sans ce travail contre et sur l'ego, il serait impossible à l'homme conditionné de la cinquième race racine de passer à un nouveau stage d'évolution, car il serait incapable d'absorber des idées nouvelles qui n'ont pas encore été testées par l'expérience et canonisées par l'histoire. Le nouvel initié est un initiateur dans le sens le plus ferme du mot, car il doit vivre selon une conscience qui institue dès qu'elle crée. Il n'a donc plus la capacité de regarder en arrière pour vérifier ses idées contre la mémoire de l'humanité. Il est obligé de les vivre dans l'instantanéité de sa conscience créative. Donc, la pression que crée la parole sur le psychisme humain est une force pénétrante et non seulement une condition psychologique que doit connaître l'ego par expérience. La pression de la parole caractérise la nouvelle voie de descente de la conscience supramentale sur la Terre. Elle a tendance à unifier les deux parties de l'homme, la partie supramentale supérieure et la partie inférieure. Dès que les deux parties sont parfaitement unifiées, la pression n'existe plus, car il n'y a plus d'espace de séparation entre l'ego et le double. C'est la fusion. La pression de la parole introduit l'ego à un domaine d'expérience psychologique qui ne relève plus de sa dualité, mais du travail que fait le double contre sa dualité. De cette expérience naît la liberté de l'ego. Tant que l'ego n'est pas capable de subir la pression de la parole, il est incapable de réaliser la dualité de ses émotions et de ses idées, car il ne voit que ce qu'il veut voir. Et le double doit lui faire voir ce qu'il doit voir. Cette condition de conscience est équivalente à la conscience supramentale, c'est-à-dire cette conscience qui est au-dessus de la suggestibilité de l'ego. La pression de la parole et la pression des événements engendrent dans l'ego une sorte d'angoisse, une sorte de désarroi, et il doit être capable de se situer au-dessus de cette condition qui n'est qu'un voile créé par le double pour affermir sa sécurité profonde et réelle. Tant que la pression serre le double, l'ego se conscientise et dépasse, sans s'en rendre compte au début, ses anciennes limites. Elle maintient dans l'ego un certain éther qui ne le laisse plus une fois qu'il est formé. Donc il s'habitue, bon gré mal gré, à vivre dans cet éther. Et c'est cet éther qui devient son médium mental et émotif. Tout est éther, mais l'éther de l'homme inconscient est tellement astralisé qu'il ne sert plus de support pour le double. il ne sert de support qu'aux forces astrales en lui. La pression de la parole instruit l'ego d'une énergie nouvelle. Et cette énergie détruit la mémoire psychologique de l'ego et le force à s'ajuster à son intelligence créative plutôt qu'à ses sentiments intelligents. La pression de la parole engendre une pression d'événements qui force l'ego à revoir constamment sa position vis-à-vis lui-même et les autres, afin de l'amener éventuellement à un état de centricité mentale qui lui permet d'être créatif et ne pas être affecté subjectivement dans sa créativité. La pression des événements et l'enchevêtrement des événements créent le matériel dont se sert le double pour défaire sur le plan humain les attitudes égocentriques qui troublent l'éther de l'homme et empêchent ce dernier ou les hommes conscients de bien construire ensemble. La pression de la parole peut facilement créer une traînée de poudre qui mène au baril des égos, qui explose lorsque l'ego n'est pas suffisamment conscient de lui-même et de ses illusions pour ne pas être ou ne pas faire partie du baril. La pression de la parole crée dans l'ego une sorte de qui-vive qu'il doit reconnaître afin de ne pas se laisser prendre dans le jeu de ses illusions. La parole consciente n'est pas encore parfaite, donc elle est encore un outil pour le double, et c'est toujours l'ego qui en souffre, car c'est lui qui doit apprendre à développer une objectivité de conscience vis-à-vis les événements créés par la parole ou les mots qu'elle crée. La pression de la parole est un phénomène tellement nouveau sur le plan matériel qu'une très fine couche de l'humanité en comprendra suffisamment les mécanismes pour ne pas en souffrir au-delà d'une condition normale. Le double peut facilement créer par la parole une congestion dans les événements créés par des êtres en conscience, car il sait que ces êtres sont encore remplis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres encore de leurs désirs égocentriques. L'agencement de la parole et de la pression constitue un des grands outils de la conscience supramentale, et encore beaucoup de temps sera nécessaire avant que les êtres conscients ne soient plus impliqués ni dans la pression, ni dans la parole qui la crée. La pression psychologique créée par la parole élève la résistance mentale de l'ego et le rend imperméable à l'influence que peut créer en lui des paroles ou des actions extérieures à lui-même à cause de son émotivité et de son astralité. Donc cette pression psychologique, bien qu'elle puisse être désagréable par son interminable travail, forcera les êtres les plus intelligents dans leur centricité réelle à se retirer des situations de conflit qui peuvent de temps à autre faire irruption parmi ceux qui évoluent vers une conscience supérieure, mais non finalisée. La pression psychologique de la parole ou des événements rend l'ego suffisamment centrique avec le temps pour lui permettre de ne plus penser qu'il doit faire quelque chose pour quelque raison que ce soit qui ne lui convient pas parfaitement. Il n'y a pas que la spiritualité qui masque l'intelligence créative. L'homme conscient n'est pas aussi loin de l'influence astrale qu'il le croit. La preuve en est dans le fait que même les êtres dits conscients connaissent des conflits entre eux qui relèvent de la différente façon pour eux d'expliquer ce qu'ils ne voient pas et ne comprennent pas dans un plan d'ensemble qui va au-delà des conditions vues par l'ego à court terme. La pression psychologique créé par la parole engendre parmi les êtres sensibles et conscients une tension qui ne peut être brisée que par la parole créative elle-même, parole ajustée et parfaitement désengagée égoïquement. Tant que l'être conscient n'assume pas la responsabilité de la tension créée par la pression de sa parole non ajustée, il ne peut se considérer comme un être objectif. Il est donc incapable de faire avancer la cause ni implémenter l'effet de la conscience créative, même si ses intentions sont des plus louables. La pression de la parole que crée le double lui permet d'introduire l'ego à une conscience vibrante, mais non vibratoire. Une conscience vibrante est une conscience où l'émotion affecte le mental et prédispose l'ego à une souffrance quelconque. Tandis qu'une conscience vibratoire représente le passage créatif de l'énergie sans le moindre heurt contre l'ego. C'est cette sorte d'énergie qui supporte l'être humain sur tous ses plans. Tandis que dans le cas de la conscience vibrante, l'énergie crée un choc dans l'ego, et l'ego en souffre. Donc, la pression psychologique de la parole augmente la résistance de l'ego à l'énergie vibrante pour l'amener un jour à ne vivre que de l'énergie vibratoire, où sa conscience, sa centricité est à l'épreuve de tout choc créé de ou par l'extérieur. Lorsque l'ego comprend que la pression de la parole ou des événements ne fait que partie que du travail du double contre l'ego, ce dernier commence à ne plus pouvoir souffrir pour un rien. Il commence à comprendre la souffrance et à ne plus en souffrir psychologiquement. Donc, à partir de ce moment, il prend conscience de la relation entre la parole et l'événement et ne se prend plus au sérieux, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais si cette pression n'avait pas été créée, il n'aurait pas vu ni compris les mécanismes en lui qui le poussent à réfléchir sur ce qui ne vaut pas la peine d'être pensé ou réfléchi. La pression que crée la parole rend l'ego conscient pour la première fois qu'il n'est pas habitué à dépasser la confusion créée par son esprit. Elle démontre que tant qu'il vivait sous le parapluie psychologique, il évitait la confusion ou la subissait subjectivement. Maintenant, il ne la subit plus et ne peut l'éviter, mais il doit apprendre à s'en sortir en n'étant pas prisonnier d'elle à cause de ses émotions. Ce sont les émotions qui donnent à l'énergie la qualité de confusion. Enlever l'émotion de l'énergie et la confusion n'existe plus. Seulement un mouvement complexe et subtil et très intelligent de la part du double. Mouvement qui sert à rendre l'ego intelligent et sans émotion dans l'intelligence. Donc, la pression de la parole et des événements qu'elle engendre prend l'ego par surprise, tellement par surprise, qu'il en perd le souffle, le nord. Et tant que l'ego peut être surpris, il manque de conscience supérieure, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'émotivité dans son intelligence. Et la surprise crée facilement la confusion, car on ne la voit pas venir. Et il ne s'agit pas de la voir venir. L'homme ne peut pas tout voir venir dans la vie. Il doit pouvoir absorber le choc, la confusion que crée la surprise, et ce qui l'amène à ceci, c'est la pression de la parole et des événements qu'elle crée, et le raccord qu'elle force l'ego à court ou à long terme à faire entre son intelligence et ses émotions. La pression de la parole et ses événements permet à l'être conscient de comprendre pourquoi l'homme se crée une fausse sécurité et c'est parce que sa sécurité est toujours fondée sur un ordre égoïque et non un ordre vibratoire. L'ordre vibratoire n'est pas facile à vivre car il y a trop d'énergie dans cet ordre pour l'égocentrisme. Et le trop plein d'énergie créative lui brouille l'esprit, car il ne voit et ne comprend pas le jeu de l'esprit. Il y a des gens inconscients qui, au lieu de vivre leur vie de façon excitante et avantageuse de leur point de vue, voudront la vivre de façon à ne pas prendre trop de risques afin d'être le plus sécure possible. Ces genres de vie, de petite vie, retardent leur évolution, tant sur le plan temporel que sur le plan de l'esprit. L'être conscient apprend à vivre de plus en plus, non pas parce qu'il n'a peut-être pas vécu auparavant, mais parce que l'intelligence créative le pousse à vivre, à ouvrir les barrières de la vie, afin de la rendre telle qu'elle doit être rendue en conscience. La pression de la parole et des événements ajuste l'ego à l'énergie interne dont il aura de besoin demain pour vivre pleinement, et non pas seulement en surface, c'est-à-dire à partir d'un ego assujetti à un tempérament conditionné par son passé, par sa petite vie passée. La capacité d'absorber la pression de la parole et des événements est la marque d'évolution du nouvel initié. Elle est la mesure du pouvoir de l'ego contre l'abrutissement que crée en lui l'émotion. Cette marque sera toujours la marque qui discernera ceux-là qui peuvent supporter le poids de la conscience intégrale versus ceux qui ne peuvent supporter qu'une conscience spirituelle et encore trop égocentrique. Ceci ne veut pas dire que le nouvel initié doit s'assujettir à cette pression sans réagir, mais qu'il puisse la supporter sans fléchir si elle se présente à lui à travers les conditions extraordinairement subtiles et complexes de l'intelligence créative du double. Les êtres inconscients dans le monde qui gèrent à quelque niveau que ce soit dans l'échelle sociale apprennent à supporter la pression des événements créés par les forces astrales en eux. Le nouvel initié, lui, apprendra à supporter la pression des événements créés par la parole à travers la canalisation égoïque du double. Il est impossible de gérer dans le monde matériel. Il est impossible d'être dans une situation de contrôle si l'être n'est pas conscient de ceci, car le pouvoir créatif du double engendre de telles forces sur la terre que seul un ego rempart, renforcé par l'expérience et la conscience de l'objectivité de sa relation avec la parole pression ou l'événement pression, peut supporter le poids créatif de sa conscience intégrale.